Chaque pays a ses convenances. Les habitudes varient concernant ce qui est approprié ou non. Si votre mère, par exemple, vous donne un bisou, vous ne trouveriez probablement pas normal de dire « merci beaucoup ». Ce ne serait pas faux, ce serait juste. Étrange. Oui, ce serait étrange, effectivement. Et donc, en ce qui concerne le fait de dire « merci » en Chine, vous devez comprendre comment un Chinois voit ces choses-là. Comment les gens se sentent par rapport à ça. Alors, ma collègue va nous dire comment dire « merci ».« Xie xie. Xie. Doigt noir pointé vers le sol. Xie xie. » Le second est identique avec le point fermé, mais ignorez le don. Xie xie. Pour dire « merci ». Donc le verbe « remercier », pas l'expression, le verbe est « xie ». Et pour dire « merci », vous dites « xie xie ». En Chine, on considère qu'il est inutile, voire déplacé, pour des personnes qui sont proches ou qui se connaissent bien, de se dire « merci ». Oui, c'est vrai. Donc, si vous étiez à table avec vos parents et que vous passiez le sel à votre mère, par exemple, est-ce que vous trouveriez normal qu'elle vous dise « merci » ? Est-ce comme ça que les choses se passent en Chine ? Non, en général, on ne dit pas ça. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. C'est seulement avec des connaissances qui ne sont pas très proches ou avec les collègues que l'on dira merci. En Chine, on ne l'entendrait pas aussi souvent qu'en France. Et alors, du point de vue des Chinois, il n'est pas mal élevé de mettre le... Xie xie. On raconte l'histoire d'un Français qui résidait dans un village de la Chine profonde et qui, suivant les coutumes de son pays, disait sans arrêt « merci ». Quand quelqu'un lui ouvrait la porte, quand quelqu'un lui donnait quelque chose, il disait toujours « xie xie ». Les enfants l'appelaient « xie xie, xian sheng ». Monsieur, xie xie. Les enfants trouvaient ça très drôle qu'ils disent « merci » à tout bout de champ, parce que ce n'est pas ce que font les Chinois. Cependant, en tant qu'étranger, vous pouvez dire merci. Mais sachez que le fait que les Chinois le disent rarement n'est pas une preuve d'impolitesse. Alors, comment dites-vous merci ? Xie xie. Et souvent, les gens vous répondront « Oh, ça ne fait rien » ou « Pas de merci ». Qui se dira « Bu xie xie ». En réalité, on dira tout simplement « Bu xie », qui signifie « inutile de remercier » ou encore « je vous en prie ». Donc, comment dites-vous « merci » ? Xie xie. Et comment dites-vous « je vous en prie » ou « inutile de remercier » ? Bu xie. En d'autres termes, ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de faire des formalités. Vous n'avez pas besoin d'être cérémonieux. Ce n'est pas tant le « je vous en prie » des Occidentaux, mais plutôt que l'on n'a pas besoin de dire merci. Oui, c'est comme cela que les gens disent « xie xie » et « bu xie ». Je vous donne quelque chose et je suis une personne à qui vous voulez témoigner du respect. Alors que dites-vous ? Xie xie. Et que dira la personne qui vous a donné ce quelque chose ? Bu xie. Vous venez chez moi et vous m'apportez un cadeau, ce qui est la règle quand vous rendez visite à quelqu'un en Chine. On s'attend à ce que vous apportiez quelque chose. Alors, la personne qui reçoit le cadeau dit Xie xie. Et la personne qui le donne dira Bu xie. Quel est le mot pour dire voir quelqu'un dans le sens de rencontrer quelqu'un ? Tiens. Alors, pour dire revoir quelqu'un comme dans je te reverrai, vous utiliserez « Zai jian », deux doigts noirs pointés vers le sol. Ce son ressemble exactement au « Zai » que nous avons rencontré précédemment pour dire « être quelque part », mais c'est un caractère différent. Il veut dire « à nouveau » comme dans « revoir », »,« voir à nouveau ». On l'emploie aussi dans l'expression « au revoir », puisque lorsque l'on dit « au revoir », on dit littéralement « voir à nouveau ». Au revoir. Zai jian. Donc, comment dites-vous l'expression au revoir en chinois ? Zai jian. Et encore une fois, comment dites-vous au revoir en chinois ? Zai jian. Donc, pour dire au revoir à votre ami ou à quelqu'un, vous direz 再见, qui signifie littéralement à nouveau voir. 再见. Et maintenant, avant de se dire au revoir, 再见. Permettez-nous de vous féliciter. Vous venez de terminer une introduction vraiment passionnante au mandarin. Vous avez appris les structures fondamentales de la langue qui vous donnent une base pratique et fonctionnelle sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour communiquer et poursuivre votre apprentissage. Vous avez acquis cela en quelques heures à peine et vous êtes maintenant capable de formuler vos propres pensées et de les exprimer comme vous le souhaitez grâce à ces structures de base qui sont employées par les locuteurs du mandarin dans le monde entier. Ma collègue et moi-même sommes très heureux quand nous voyons des étudiants s'exprimer en chinois. Nous espérons que vous avez également partagé un peu de notre joie, de ce bonheur de se sentir vivant lorsque l'on apprend quelque chose. Nous vous remercions pour votre confiance et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de votre exploration de la langue et de la culture chinoise.